Les amis étrangers exaltent vivement le grand parti du travail de Corée invincible. Marwan Sudahu, président du comité arabe pour la solidarité avec le peuple coréen et le soutien à la réunification de la Corée, Saber Balul, chef de chaire de la faculté de politique de l'université de Dama de Syrie, et Jeune Cassière, représentant de la filiale belge de l'association d'amitié avec la Corée, ont indiqué comme ce qui suit. Les exploits mortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, qui ont développé le Parti de travail de Corée en organisation politique d'acier, qui jouit du soutien et de la confiance des masses populaires, seront éternels. Aujourd'hui, grâce au maréchal Kim Jong-un, le Parti du travail de Corée manifeste au niveau suprême sa dignité et sa puissance de glorieux parti Kim Il-suniste Kim Jong-liste. Le Parti du travail de Corée est le modèle et la phare unique d'espoir des partis révolutionnaires du monde qui aspirent à l'indépendance. L'avenir du parti coréen qui conduit le peuple au changement séculaire est promis à la victoire et à la gloire.